Ballade des pendus, poème de François Villon, édité en 1489, lu par Charles Deleuze pour audiocité.net, audiolivre gratuit, enregistré en 2020. Ballade des pendus. Frères humains qui après nous vivez, n'ayez vos corps contre nous endurcis, car si pitié de nous pauvres avez, Dieu en aura plutôt de vos merci. Vous nous voyez attachés ici, 5, 6, quand à notre chair, que trop nous avons nourrie, elle est depuis longtemps dévorée et pourrie. Et nous, les os, devenons cendre et poudre de notre malheur que personne ne se moque. Mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. Si frères, vous clamons n'en devez avoir dédain, quoi que fût moxi, par justice. Toutefois, vous savez que tout homme n'ont pas sens bien rassis. Excusez-nous, puisque nous sommes transis auprès du Fils de la Vierge Marie. Que sa grâce ne soit pour nous tarie, nous préservant de l'infernale foudre. Nous sommes morts. Qu'âme nous charrie, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. La pluie nous a lessivés et lavés, et le soleil desséché et noirci. Pis, corbeaux nous ont les yeux crevés, et arraché la barbe et les sourcils. Jamais nul temps nous ne sommes assis, de ci, de là, comme le vent varie, à son plaisir sans cesser nos charries, plus becquetés d'oiseaux que dés à coudre. Ne soyez donc de notre confrérie, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. Prince Jésus qui sur tout sa maîtrise, gardez qu'enfer n'est sur nous seigneurie. Avec lui n'avons affaire ni à solder. Homme, ici pas de moquerie, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre.